Vous écoutez La Croche-Oreille. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL, le 89.1, une radio qui aime le son et qu'on peut aussi écouter sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver chaque dimanche en compagnie d'artistes passionnés par le son, par le sonore, la matière sonore telle qu'elle se dépose dans nos oreilles. Parfois musique, mais la plupart du temps sous d'autres formes. J'accueille ce soir en entretien deux artistes qui travaillent et collaborent ensemble sur des projets sonores, bien sûr, depuis quoi une vingtaine d'années. Une collaboration qui a pris naissance dans le monde musical et qui s'est poursuivie, déplacée du côté de l'expérimentation et sur un mode de véritable complicité artistique. Deux créateurs qui, en dépit de leur production personnelle, vont développer une approche complémentaire sur le plan artistique. J'accueille ce soir Sébastien Clich et Marc Lalonde. Sébastien Clich, eh ben, c'est d'abord un artiste multidisciplinaire qui invente des univers complexes sur le plan visuel et sonore à partir d'installations qui évoque tout autant la fabrication que l'érosion du monde qui nous entoure. On a pu voir ses travaux au Centre Vue, ici à Québec, l'an dernier. Marc Lalonde est quant à lui un musicien, un facteur et bricoleur d'instruments, des instruments inusités, concepteur et artiste sonore accompli qui aime sonder le réel sur le terrain. J'ai découvert sa démarche d'ailleurs au travers un magnifique projet d'exploration sonore de sculpture d'art public et dont il va nous parler ce soir. Voilà, sans plus tarder, on écoute cet entretien que m'accordaient les artistes Sébastien Clich et Marc Lalonde. Marc Lalonde, Sébastien Clich, bienvenue à l'émission. Très heureux de vous retrouver cet après-midi. Très heureux d'être là aussi. Merci pour l'invitation, Gaëtan. Bon, Sébastien, Marc, quand on lit un peu la documentation sur le travail que vous faites, d'abord, vous faites un travail sur le plan individuel, mais vous collaborez tout de même depuis une vingtaine d'années. Et j'étais curieux de savoir comment a surgi cette collaboration entre vous deux sur le plan artistique, aussi sur le plan de la création proprement dite. Je vais commencer, Sébastien, si tu permets. En fait, ça a commencé dans un party d'amis, tout simplement. Puis on s'entendait bien, puis on a fait de la musique. En fait, on a fait des sons ensemble, puis tout de suite, on a senti qu'on avait quelque chose à partager dans ça. Puis, très rapidement, est née une collaboration aussi avec Patrice Duhamel. On formait un trio qui s'appelait Gringo Plaza. Trio d'improvisation avec des objets qu'on trouvait, des guitares, des instruments qu'on fabriquait, toutes sortes de choses comme ça. On se rencontrait une fois par semaine, puis on enregistrait nos improvisations. Puis ensuite de ça, on faisait des petites compilations une fois de temps en temps pour faire, faire des petites sorties d'albums. C'est la genèse. Sébastien, tu fais la même lecture? Ben, c'est sûr qu'il y a de l'amitié qui se tisse à travers tout ça. Il y a beaucoup de curiosité aussi de part et d'autre. On a une vision quand même assez large de ce qu'on peut faire en musique. Donc, nos collaborations ont quand même évolué dans le temps aussi. Là, on a eu d'autres formations où on était plus autour d'instruments avec batterie, basse, guitare. Donc, on était... c'est très ouvert. Donc, je pense qu'au fil du temps, il y a toujours une nouvelle opportunité, puis on se retrouve d'une façon différente, mais avec la même base, en fait. Et qu'est-ce qui vous a permis de poursuivre ce travail-là aussi longtemps? Qu'est-ce qui a été le dénominateur commun ou ce qui fait qu'on travaille ensemble tout de même durant autant d'années? Bon, c'est l'amitié, c'est des affinités sur le plan artistique ou philosophique, je ne sais pas, là, je vous tends une perche. Il y a peut-être aussi le fait que tous les deux, on a une façon très visuelle de voir la musique. Sébastien Clich fait de l'art visuel, comme c'est son métier. Moi, non, mais j'en fais tout le temps. Puis, dans ma musique, l'aspect visuel est très, très important et très présent dans à peu près tous les projets que je fais. Et Sébastien aussi a ça. Puis je pense que là, on se rejoint dans ça beaucoup. Puis ça fait qu'on a comme des choses à se partager qui sont très, très intérieures comme façon de faire de la musique quand on improvise, de voir des formes, des couleurs, des choses comme ça. Fait que ça crée un lien supplémentaire, je dirais, peut-être. C'est intéressant, Marc, parce que tu m'ouvres la porte à la présentation d'une pièce sonore, parce que je tenais, d'entrée de jeu, à faire entendre un peu votre univers sonore. Et puis, on va commencer ça avec une pièce qui s'intitule « Naturlide ». C'est pas le fruit d'une collaboration sonore proprement dite, c'est plus le fruit d'une collaboration parce que, Sébastien fait le visuel, je pense, de la pochette. Et ce titre, il est tiré d'un album intitulé « The Christiana Sounds Harvesting Experience ». Experiment 2022. Et on va écouter cette pièce, puis on poursuit ensemble notre conversation. Je m'adresse maintenant à Marc qui a réalisé ce projet en résidence de Christiana Sound Harvesting Experiment. C'est une création que tu as réalisée dans le cadre d'une résidence, au Danemark. Et j'aimerais que tu me parles de ce projet en tant que tel. Comment ça surgit cette idée de travailler sur le terrain dans un contexte de quartier très, très singulier dans la ville de Copenhague? Bien, en fait, c'est né du plaisir que j'ai à ramasser des sons à gauche puis à droite, à faire de la cueillette de sons. Puis Christiania, c'est un squat qui fêtait ses 50 ans en 2021, qui est en plein milieu de Copenhague et il y a vraiment une vie très, très particulière. Il y a beaucoup d'artistes. Fait qu'il y a des objets qui traînent partout. C'est vraiment le bordel. C'est le chaos, mais bien organisé. Puis, dans cet endroit-là, je voyais toutes les possibilités sonores qu'il pouvait y avoir. Donc, je me suis fait un petit kit de cueillette, plein d'objets, des petits maillets. Je m'étais même apporté des becs de saxophone pour mettre sur des tuyaux, tout ça. Et puis, j'avais mon petit H8 avec moi et mon ordinateur. Le but était de faire une demi-heure de musique que j'allais présenter le samedi. Puis, j'avais 5 jours pour le faire. Je m'étais donné ça comme... Donc, une demi-heure de musique à jouer live à Christiania. On m'a dit que j'allais être sur un stage, puis tout de suite après, il allait avoir juste des DJ. Fait que l'idée de faire quelque chose de complètement abstrait a comme soudainement tombé, je dirais. Donc, j'ai décidé d'utiliser le langage plus DJ, des loops, des répétitions, mais uniquement avec des sons que je ramassais à Christiania. J'ai utilisé aucune synthèse, aucune banque de sons. La banque de sons, je l'ai créée sur place. Marc, tu fais référence là, aux instrumentations que tu as utilisées, travail sur le terrain. Il reste tout de même que tu es aussi facteur d'instruments, de musique. Tout ça pour dire que la musique est tout de même en arrière-plan là, de toute ta démarche. Et j'aimerais ça savoir à quel moment ton intérêt pour l'expérimentation sonore, la captation de sons sur le terrain, à quel moment ça se produit, que cette bascule qui fait que ça devient pour toi aussi important que la composition musicale ou le travail avec les instrumentations traditionnelles? Ben, en fait, je pense que ça a toujours fait partie de moi. j'étais tout jeune, puis je m'intéressais à tout ce qui pouvait avoir tout ce qui pouvait faire du son, finalement. Je me rappelle d'avoir démantelé des reverbs, des vieux reverbs, juste pour voir comment ça fonctionnait. Puis je passais des... Je sais pas, il y a toujours eu ce désir-là de la texture sonore, peut-être parce que j'aime aussi beaucoup les arts visuels, puis les deux sont très connectés pour moi. Fait que, je veux dire, je, d'aussi loin que je me rappelle, ça fait partie de ma démarche. Puis je l'ai utilisé aussi beaucoup en musique de film. Je m'appuie toujours sur les sons ambiants pour composer la musique. Puis il y a même des films où le réalisateur avec qui j'ai fait beaucoup de documentaires, Guillaume Sylvestre, m'a demandé de ne pas faire de musique pour son film. Puis, je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai fait plusieurs projets comme ça, à ne pas faire de musique. En fait, c'est que je prenais des sons ambiants, puis je les grossissais, je les utilisais pour amener une émotion, mais que ça reste quand même assez discret. Juste une ventilation, si elle fait ou si elle fait « c'est pas le même personnage qu'il va avoir en avant de la ventilation. C'est pas le même effet qu'on va avoir quand on va regarder le film. C'est intéressant, cette métaphore du son personnage. Marc, on va écouter une autre pièce tirée de cet album. Une pièce qui s'intitule « Metal Sculpture » ou « Metal Sculpture ». Ça va un peu paver la voie à la poursuite de notre conversation. Alors, on écoute ça. Bon, Marc, je ne pouvais pas passer à côté de ce projet à travers lequel je t'ai découvert, finalement. C'est ce projet qui s'intitule « Le dialecte des sculptures ». Travail que tu as fait autour d'un parc de sculptures intégré à l'environnement, je vais dire ça comme ça, dans la ville de... C'est quoi? C'est la ville de Longueuil, je crois. Écoute, j'aimerais que tu me parles de la genèse de ce projet-là. Comment surgit l'idée d'ausculter les sculptures puis d'en tirer une identité sonore? C'est fascinant comme projet. Ben, en fait, je pense que c'est la suite de Christiania, du projet à Christiania, parce que ce que je m'étais rendu compte en faisant le projet à Christiania, c'est que je ramassais des sons de cet endroit-là, puis il y a juste à cet endroit-là que je pouvais avoir ces sons-là. Il y a juste à cet endroit-là que j'aurais pu créer cette musique-là. Sans Christiania, cette musique-là, c'est impossible, ça serait d'autres choses. Là. Puis... les sculptures d'art public, ben, j'adore ça quand il y en a. J'aime ça. Je trouve que ça fait très beau dans le paysage. Il devrait en avoir plus, même, à mon avis. J'ai tout simplement eu le goût d'aller les enregistrer, aller cueillir des sons de ces sculptures-là et de faire une pièce. Mon hypothèse de travail, c'était tout simplement de faire une pièce de 5 minutes, quelque chose de tout petit, puis voilà. Je propose ça à la ville de Longueuil. Ils sont enchantés du projet. Ils me supportent. Fait que je suis parti avec ma petite valise, puis j'ai enregistré les sculptures de toutes sortes de façons, avec des archets, avec des micro-contacts, avec toutes sortes de micros, et encore avec ma petite valise, puis des maillets, des... Puis, en le faisant, j'avais vraiment l'impression que j'étais plus un scientifique qui essayait de comprendre l'intérieur des sculptures, leur langage. Puis, en travaillant les sons à la maison, dans mon studio, j'ai utilisé une technique avec des... qu'on appelle de convolution, reverb de convolution. C'est-à-dire que je prends le son d'une sculpture, puis je... prend le son d'une autre sculpture que je passe à travers. Puis, le son va réagir à cause de la signature sonore de l'autre son. Puis, l'effet que ça a créé, ben, je suis tombé dans un monde parallèle, puis je suis vraiment tombé dedans. Fait que j'ai exploré ça pendant des semaines, puis j'ai construit cet album-là, qui est le dialecte des sculptures. C'est très réussi et c'est une démarche vraiment très, très intéressante. C'est inspirant parce que là, tu joues le rôle à la fois du capteur de son, mais aussi tu as comme une mise en scène qui est faite au travers tout ce travail. Il y a un beau vidéo d'ailleurs qui accompagne le projet. Et on va écouter une pièce qui s'intitule « C'est une interrogation, le temps est-il audible? » Alors, on écoute cette belle pièce et puis on poursuit la conversation avec Sébastien parce qu'on ne l'oublie pas, il est toujours avec nous. Thank you. Sébastien, on enchaîne finalement parce que, bon, vous êtes très proches l'un de l'autre. Marc l'a souligné, tu es artiste visuel. D'ailleurs, quand on va sur ton site Internet, on réalise là tout l'investissement de toutes ces années dans la conception d'installations qui sont, je qualifierais d'extraordinaires en termes d'environnement. C'est très, très dense, c'est très fouillé. Et j'aimerais que tu me parles en parallèle, évidemment, de ce travail d'artiste visuel, que tu me parles de ton travail sonore. Parce que, bon, il y a l'artiste sonore qui se glisse en travers tes œuvres qui sont à la fois très sculpturales, des œuvres matières là, très denses, très fortes. J'aimerais que tu me parles du sonique dans cet univers. Bien, la partie sonore, elle est toujours... Est toujours là en arrière-plan, si on veut, puis elle s'est aussi manifestée dans plusieurs des projets. Moi aussi, j'ai toujours été intéressé par la texture sonore. J'étais très occupé par les arts visuels. Heureusement, j'ai trouvé des compères pour faire de la musique à travers tout ça, mais j'ai souvent utilisé mes projets d'arts visuels pour faire de la place au son, justement. J'ai notamment travaillé avec des magnétophones, des grands loops de bandes magnétiques, etc. Donc, il y a souvent un aspect sonore, pas toujours, mais il y a souvent quelque chose de sous-entendu. Et évidemment, ben, ça fait en sorte que je travaille tout le temps le son d'une façon ou d'une autre, puis je fais déboucher aussi des projets qui sont complètement à l'extérieur là, du monde, si on veut, des arts visuels, effectivement. Mm-hmm. Est-ce que le sonore a été à l'origine de certains de tes projets plus qualifiés d'art visuel ou si tout ça est le fruit finalement d'un dialogue ou à mesure que tu progresses dans la construction d'un univers conceptuel, on va l'appeler comme ça au départ, là, qui fait que le son émerge ou encore est-ce qu'il est en lien avec les matériaux que tu utilises? Bien, parfois oui. Là, si j'utilise par exemple de la bande magnétique, c'est sûr que le son va être important, mais moi, j'ai une notion du matériau qui est très, très large. Là, le spectateur peut être un matériau, l'espace est un matériau. Donc, le son, évidemment, le texte, tout ça, c'est des matériaux que j'essaie de mettre un peu au même pied. Donc, ça se fait vraiment d'une façon assez organique. Puis, le son va faire partie d'un projet visuel si vraiment il a sa place. Mais il est tout le temps possible. C'est un matériau qui a sa potentialité, là, effectivement. Tout à fait. Mmh. Sébastien, si tu veux, on va écouter un extrait d'une pièce que tu as réalisée. En fin de compte, c'est un projet assez imposant. C'est une trame sonore d'une bonne longueur. C'est 34 minutes. Ça s'intitule « Chant invisible ». On va écouter un extrait, puis on va poursuivre notre échange sur ce projet-là en particulier. Thank you. Sébastien, je reviens sur ce projet, ça s'appelle Chant invisible. Et j'aimerais que tu nous racontes l'histoire de ce projet, à la fois son titre, qui est un peu mystérieux, mais aussi tout ce qui l'accompagne en termes de déploiement, d'idées, de concepts. C'est un projet qui est assez important pour moi parce que c'est la première occasion que j'ai eue pour faire une performance de musique. Donc, ça a vraiment été composé pour être performé. Et vraiment, là où je composais moi-même et je mettais en place tout l'univers, Marc est venu quand même m'appuyer à la fin du projet, puis il a participé à la performance qu'on a réalisée dans un premier temps à Mutec en 2005, dans un contexte où les gens étaient tous munis d'écouteurs. Donc là, évidemment, ça appelait à s'attarder beaucoup à la richesse des textures et c'est très, très axé sur des enregistrements de terrain, beaucoup d'enregistrements faits dans différents pays, des voyages, etc. Donc, ça, c'était toute la stéréophonie était très importante dans ce contexte-là. Puis on l'a refait à travers des haut-parleurs dans une salle, dans un contexte plus centre d'artistes à la Chambre Blanche à Québec. Toutes les deux en 2005. Donc, c'est un projet qui m'a vraiment fait beaucoup avancer dans ma propre vision de ce que j'avais envie de faire en musique. À ce moment-là, quand même très influencé par David Shee, par exemple, pour nommer une influence. Donc, beaucoup de sampling et d'échantillonnage. Et surtout, beaucoup de grandes variétés de paysages et d'environnements. Donc, on voyage beaucoup là, en 34 minutes quand même. Et c'est récemment là, que je l'ai redécouvert. Donc, il faisait partie un peu de mon CV, une histoire là, passée. Et c'est en fouillant là, vraiment à travers mes archives, en faisant du ménage, comme il faut en faire de temps en temps, que je suis retombé sur le projet Ableton, le projet live dans lequel j'ai performé. Donc, ce que j'avais en main, c'était pas une piste stéréo de l'enregistrement, mais bien l'enregistrement de toutes les manipulations que j'ai fait cette fois-là à Mutec en 2005, telles quelles. Donc, on retombait dans le temps, mais avec l'accès à toutes les pistes quand même pour pouvoir faire un mixage là, un peu plus fin, sans dénaturer là, la performance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est écrit, mais qui était performé avec une part d'improvisation puis d'inattendu, effectivement, et avec la guitare là, de Marc et ses effets là, qui rentrent dans le mix aussi. On va, Sébastien, en écouter un autre extrait de ce magnifique projet intitulé « Chant invisible ». Thank you. Sébastien, bon, j'ai devant moi l'artiste sonore, mais comme le Marc l'a souligné, artiste visuel, et j'aimerais que tu me parles de ta démarche d'artiste visuel. À quoi le spectateur doit-il s'attendre quand on se rend voir une installation, un projet de Sébastien Clich? Bien, habituellement, j'occupe l'espace au complet là, de la salle. C'est assez sculptural depuis les dernières années. Plus grand-chose s'accroche au mur. Là, c'est des pièces autoportantes. On va trouver des systèmes. J'appelle ça des systèmes, mais des espèces de dispositifs, souvent génératifs. Donc, il va y avoir quelque chose qui va évoluer tout au long du projet. Donc, ça peut être des bassins dans lesquels il y a de la cristallisation. Récemment, j'ai réinstallé une pièce avec une boucle, une bande magnétique qui tourne puis qui crée des effets d'arabesque là, pendant 5 semaines. Donc, il y a aussi une atmosphère qui est assez méditative, peut-être hypnotique, dépendant s'il y a du son. Puis au niveau des images, bien, on va voir des objets du quotidien, on va voir des éléments qui font référence aux médias, au monde de la communication, au monde de la technique. Des environnements, on dirait des environnements de travail, un peu comme si on entrait dans un espace où quelqu'un était en train de fabriquer quelque chose, puis était parti là, dîner, puis il va peut-être revenir pendant notre visite. Donc, c'est beaucoup des chantiers là, qui sont laissés en plan pour le spectateur qui puisse investir, en fait, ces univers fictifs-là. Tout à fait. Je vais rappeler aux auditeurs en fin d'émission là, l'adresse de ton site pour qu'on aille y jeter un coup d'œil. Ça va donner une bonne idée parce que je pense entre autres au dernier projet que tu as présenté au Centre-Vue à Québec. Là, était vraiment dans cet esprit de... On entre dans une manufacture, dans une usine. En tout cas, il y a quelque chose de très, très... transformation de la matière. C'est très intéressant. On va poursuivre tout de même notre écoute de vos travaux. Et là, on va écouter un extrait. Non pas un extrait, une pièce qui est tirée cette fois de votre projet, je pense que c'est votre tout dernier projet, c'est un album intitulé « Échauffement et jardinage » et c'est un projet ça, qui est chapeauté par le duo que vous nommez « Pavillon des loisirs ». Alors on va écouter un extrait de l'électrocardiogramme à l'effort, puis on poursuit notre conversation. Thank you. Ce projet, Marc et Sébastien, ce projet chapeauté par le pavillon des loisirs, j'aimerais que vous m'en parliez. Comment il est, là aussi, il est au carrefour de vos démarches. Il est très intéressant aussi sur le plan sonore. On sent vraiment un travail à la fois minutieux. Il y a quelque chose d'un peu, je dirais pas mystique, mais un peu mystérieux parce qu'il y a des clins d'œil. Les titres sont très... sont évocateurs aussi. J'aimerais vous entendre sur ce projet. Projet tout chaud, là. Peut-être tout d'abord dire que c'est un projet de musique improvisée. Puis Sébastien et moi, on a commencé à faire de la musique il y a une vingtaine d'années ensemble en faisant de la musique improvisée. Puis on a pris une longue pause entre les deux de je ne sais pas combien d'années là, où on n'a rien fait ensemble. Puis on s'est retrouvés il y a peut-être un an ou deux avec l'envie de replonger dans cet univers-là qu'on créait. Puis on a été... on a eu comme une invitation pour faire une performance à la Casa Obscura à Montréal. On s'est remis à travailler ensemble, la musique, puis la chimie était vraiment là. On sentait qu'on avait une discussion, un dialogue qui s'installait, même si ça faisait très, très, très longtemps qu'on avait fait des choses ensemble, puis qu'on n'avait aucune idée des sons, des nouveaux sons que l'autre avait manigancés pendant toutes ces années. Puis, fait qu'on se retrouvait on se retrouvait à la fois dans un terrain connu et dans un nouvel univers. Ça, c'était vraiment le fun. Veux-tu prendre la balle au bon, Sébastien? Effectivement, je pense que la richesse d'avoir passé beaucoup d'heures à faire de la musique ensemble, j'en ai parlé tout à l'heure, autant avec des instruments plus traditionnels que des échantillons, tout ça. Puis là, on se retrouve avec chacun un parcours parallèle où on enrichit notre palette, mais la connexion est tellement naturelle que dès les premières 10 minutes, il se passait déjà quelque chose. Donc, et je crois aussi qu'au départ, on était peut-être inquiet au sens où on n'avait pas de vision pour le projet. Est-ce qu'on le détermine? Est-ce qu'on lui donne un cadre? Et finalement, après quelques séances d'enregistrement, le cadre s'est un peu installé par lui-même. Puis cet univers-là, un peu mystérieux, encore peut-être visuel, proche du paysage sonore, proche de presque la science-fiction, des fois, le monde dystopique ou je ne sais pas trop. Je ne dis pas qu'on sera toujours dans cette palette-là, mais la cohérence artistique, elle s'est installée très rapidement, je pense parce qu'on se connaît bien, puis on se retrouve assez facilement dans quelque chose de pertinent. Mmh. C'est très intéressant, en tout cas, comme album. Et puis, on va tout de suite en écouter, cette fois, un extrait d'une pièce qui est un peu plus longue, une pièce qui dure 8 minutes. On n'aura peut-être pas le temps de la faire jouer au complet, mais en tout cas, un bon extrait. Ça s'intitule « Collection d'échymoses ». Alors, j'imagine que c'est le prix à payer, ça, pour faire de l'impro, puis arriver à quelque chose d'intéressant. Alors, on écoute ça. Thank you. Pour conclure notre conversation, Marc Sébastien, bon, vous avez lancé d'abord ce label qui s'appelle Aquaplanage, là, qu'on retrouve notamment sur Bandcamp. Et je voulais d'abord savoir quel était votre objectif au départ de créer une petite plateforme de diffusion et puis vous entendre ensuite sur vos projets à venir là, en duo puis en solo. Marc? Oui, je vais commencer. En fait, moi, de mon côté, ça a commencé avec un projet que j'ai fait qui s'appelle Rat des villes, Rat des champs, qui se retrouve pas sur le label Aquaplanage. Mais je cherchais un label pour distribuer ça parce que je me disais, si je le mets tout seul sur Bandcamp, c'est, comment les gens vont le retrouver? Il faut qu'il fasse partie d'une famille. Puis j'ai essayé de trouver une famille pour ce projet-là. J'en ai pas trouvé. Fait que je l'ai mis tout seul sur Bandcamp, mais j'ai quand même parlé à Sébastien d'avoir un label pour des projets, nos projets, puis faire comme une famille de projets. Donc, quand tu vas sur Aquaplanage, tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Il y a un univers qui est X, dans le sens que sur Aquaplanage, on aime beaucoup les projets où il y a une prise de risque dans la démarche, puis dans lesquels il y a des démarches singulières, particulières. Donc, fait que ça, de mon côté, c'est comme ça que ça a parti. Puis j'ai parlé de ça à Sébastien, puis bien, Sébastien il a dit « Ah, tiens, c'est une idée que j'avais moi aussi de faire un label. » Ben effectivement, je pense que c'est dans le monde là, de la distribution de la musique ou le marché de la musique, ou je ne sais pas comment, l'industrie, c'est rendu assez éclaté, tout ça. Je pense qu'on a maintenant les moyens de se distribuer assez facilement. Chacun, il faut quand même investir de l'énergie pour faire la promotion de tout ça, mais c'est à notre portée. Et moi, j'aime bien avoir un lieu. Hein. Quand je prépare une installation, j'aime bien savoir que je vais avoir une expo dans tel centre d'artistes. J'aime bien pouvoir me projeter. Où est-ce que ça s'en va, ce que je fais? Donc, pour moi, le label, c'est ça, c'est un lieu. Je peux dire, je fais quelque chose, est-ce qu'il va aller dans ce lieu-là? Et je sais qu'il y a comme une piste d'atterrissage, un lieu où il va arriver, puis il va pouvoir exister. Donc, moi, ça me stimule à entreprendre et à terminer des projets aussi. Je fonctionne beaucoup comme ça, parce que sinon, je suis dans l'atelier, puis je pourrais faire tellement de choses. Donc, je le vois aussi comme ça. Puis plus ça avance, plus le rayonnement grandit tranquillement. Et les projets s'ajoutent aussi. Ils se sont ajoutés comme assez rapidement dans un premier temps. Et on ouvrira éventuellement peut-être à d'autres artistes que nous deux ou nous deux ensemble, mais d'autres personnes qui partagent peut-être une communauté d'intérêts et qui ont envie de profiter de cette plateforme-là pour faire converger là, des gens qui ont envie de ce genre de musique-là. Thank you. Pour conclure vos projets là, dans les prochaines semaines de création, de diffusion, est-ce qu'il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon pour vous deux ou bien c'est... Dans mon cas, j'ai quelques projets d'exposition là, qui sont en cours ou qui vont être montés, donc ça m'occupe beaucoup. J'ai aussi un projet de musique électronique qui s'est plus développé dans des performances live que je voudrais ramener vers le studio, voir comment ça peut s'incarner en musique plus enregistrée, comment la performance dans studio peut se transposer en pièces enregistrées. Et bien entendu, je veux trouver du temps là, bientôt pour retourner en studio avec Marc pour de nouvelles aventures, évidemment, avec Pavillon des loisirs. Ça, c'est le feu est allumé, alors on a le goût de l'alimenter. Ben, moi, de mon côté, j'ai quand même plusieurs projets en cours. J'en ai un, en fait, c'est une exposition d'œuvres visuelles que je crée à partir de petites pièces sonores à l'aide d'un spectrogramme. Je crée des pièces sonores, puis je crée une pièce visuelle en même temps. Je les fais imprimer, puis fait que c'est ça. Je vais présenter ça le 28 mars à Montréal, à la Casa Obscura. Ensuite de ça, j'ai des projets de composition un peu plus longs là, que j'ai entrepris, dont un, je veux dire tout simplement que ça s'intéresse à la vie, mais surtout à la mort. Ça va être un projet d'art sonore et de musique. Peut-être un autre qui, je pense, ça va être super intéressant. C'est pas un projet personnel, mais c'est un projet pour un musée. On m'a demandé de faire vivre des cailloux. Je vais faire des insectes, des bibittes, mais avec des sons de cailloux pour les faire vivre. J'ai bien hâte. C'est un très beau défi. C'est un très beau défi qui va être dans le prolongement du travail que tu fais. Marc Lalonde, Sébastien Clich, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre aujourd'hui. C'est très agréable. Et puis, en espérant vous voir en spectacle ou en performance dans la région de Québec. Merci de l'invitation. Ben c'est comme ça que s'achève la croche-oreille pour ce soir autour des créations sonores des artistes Marc Lalonde et Sébastien Clich. Grand merci à Marc et Sébastien de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres qu'on retrouve, comme ils l'ont mentionné, qu'on retrouve sur leur plateforme qui s'intitule Aquaplanage. On retrouve ça sur Bandcamp, très facile à repérer. Comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.ca ainsi que les émissions pour écoute ou réécoute à votre guise. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Depuis les studios de CKRL, dans Limoilou, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.